Radio Campus, Lille, 106,6 FM. Contre-culture, Random. Random, émission radiophonique, un dimanche sur deux, 19-20h. De l'information, de 19h à 20h, Radio Campus, Lille. C'est Random, 106,6 MHz. 106,6 Hacker du groupe Dégénéré Sciences Lille sur Radio Campus un dimanche sur deux. Random, l'émission préférée des Ntech. Oh, comme c'est fort. Bonsoir et bienvenue sur Random Radio Campus 106,6 FM. Donc c'est la 9e émission. Quand même, ouais. Déjà. Ouais, déjà. Déjà. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du FOSDEM et du HSBC. HSB, ouais, j'ai oublié de faire le tour de la table pour présenter, ouais. donc on va... Donc on a une petite équipe, donc avec moi, Little Charlie. Avec moi, c'est Alix. DB. Et Martigan à la technique. Qui essaye. Qui essaye, ouais. C'est très dur. Donc aujourd'hui, nous allons parler du FOSDEM, du HSB, après le NKM avec Idenium, Orange et SFR. On parlera aussi de jeuxvideo.com, le DECT. Le système DECT, ouais. Ouais, qui était ouais, plus tard. Donc on a les petites news qui ont été rajoutées. Les petites news qui ont été rajoutées. Je ne vois pas. Oui. Ah, Orange SFR, jeuxvideo.com, ok, j'ai déjà dit, le DECT. Et puis après, nous aurons, si c'est possible, un intervenant qui nous parlera du Bryce Anthopy Congress. Et puis après, on passera au développement qui traitera de. Le développement traitera du FOSDEM et de l'ALOPSI. Donc. On va voir un peu ce qui s'est passé au FOSDEM, ce qui est intéressant et pourquoi. Et ensuite l'agenda. Et ensuite un superbe agenda qui, sera super complet en plus. Waouh. Donc on va commencer. Allons-y. La première truc qu'on a annoncé, c'est quand même le FOSDEM et le Hackerspace de Bruxelles. Donc voilà, donc le week-end dernier avait lieu le FOSDEM, le Forum européen des développeurs de logiciels. Libre et open source ou... Donc c'est en gros c'est un événement qui est assez important. Il y a 5000 à 6000 personnes chaque année qui y vont, des développeurs d'un peu tous les pays. C'est l'occasion de vraiment voir les nouveautés au niveau des logiciels libres, les grandes avancées, de pouvoir échanger avec des personnes qui viennent d'un peu partout sur la planète. C'est un salon qui est très technique par rapport à d'autres salons Linux ou open source ou logiciel libre, parce qu'il ne faut pas dire open source. Donc c'est assez technique, mais c'est toujours très intéressant. Et donc ça a été l'occasion de voir un peu toutes les nouveautés, donc les améliorations des systèmes de base de données, des outils de monitoring et de sécurité, les dernières améliorations d'interface graphique. Et il y avait un petit stand au bout du couloir, parce que le FOSDEM c'est 200 conférences, mais il y a aussi des stands de tas d'associations. Tu peux peut-être dire en fait que ça se passe en milieu universitaire et à Bruxelles. Oui. Donc voilà, il faut imaginer un bâtiment universitaire en fait. Il y en a même pratiquement 4 qui sont utilisés pour les conférences, tellement il y en a. Et donc au bout de ce couloir, il y avait un stand de bidouilleurs, de hackers, qui présentaient par exemple des machines d'auto-réplication ou de prototypage rapide. Très propre. Ouais. Ah oui, c'est le truc qui étale de la colle et qui fait des couches successives, c'est ça ? Là, c'était en faisant fondre du plastique, mais oui, c'est... Donc c'est un événement qui est assez intéressant, on en discutera peut-être un peu plus tout à l'heure. Et puis tu nous raconteras tes folles nuits au HSB. Qui est le Hacking Space de Bruxelles. Il y avait donc la semaine dernière, il y a des animations et des ateliers et des tas de choses toutes les semaines, parce que c'est un lieu qui est très vivant. Donc le Hacking Space de Bruxelles, c'est un lieu où les hackers, les bidouilleurs de Bruxelles Métropole viennent se... De Bruxelles Métropole, je la connaissais pas celle-là. Voilà. Et donc il y avait une soirée Chiptunes, donc on va passer certains morceaux qui sont passés à la soirée ou des morceaux de Chiptunes qui auraient pu passer s'ils ne sont pas passés. Bon, on va passer à la news suivante qui est donc la nouvelle idée de NKM, notre secrétaire d'État à l'économie numérique. Oui, donc, voilà. Nathalie Kosciusko-Morizet. Qui nous sort toujours des bonnes petites blagues. La dernière blague en date, c'est IDENUM. Donc c'est concrètement fournir à chaque personne un certificat d'identité numérique pour, par exemple, déclarer ses impôts, ce qui est déjà le cas, ou pour faire des tas de démarches administratives en ligne. Mais quelle bonne idée. Et, excellente idée, bravo. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà, le premier, c'est que IDENUM, c'est déjà une marque qui est utilisée, donc c'est un peu bête, faire changer de marque, hein, mais bon. C'est excellent. En ce moment, le gouvernement a pas mal de soucis avec ces marques. Donc voilà. Et le deuxième problème, c'est qui est plus important, parce que là c'est pas sur la forme mais sur le fond, c'est la volonté que ça soit en fait un certificat placé dans des objets du quotidien, donc une clé USB, un téléphone portable, que ce soit des certificats software, mais facilement, si on met un certificat sur une clé USB, il y a un problème de la sécurité physique du certificat. Il suffit de piquer la clé USB et de choper l'identité. Alors même si c'est une infrastructure à clé publique, une PKI, où le gouvernement certifie l'identité, ça va, il va quand même y avoir un certain délai pendant lequel la personne qui a volé le certificat va pouvoir l'utiliser. Et même s'il est protégé par un mot de passe, on connaît la faiblesse des mots de passe souvent choisis. Donc, on en a parlé dans l'émission précédente d'ailleurs, des mots de passe. Et donc NKM disait, mais regardez ce qu'ont fait les Belges, ce qu'ont fait les Suisses, etc. Mais bon, quand on regarde un peu ce qu'ont fait les Belges, c'est aussi une infrastructure à clé publique qui est donc où l'autorité de certification est le gouvernement. Mais derrière, c'est des cartes à puce ou c'est des smart keys. C'est-à-dire que normalement, le certificat en lui-même ne sort pas de la clé. Il va y avoir un challenge avec la puce qui va répondre au challenge, mais normalement, c'est pas, on ne peut pas récupérer les données sauf à faire une analyse en profondeur de la puce et à... D'autant que cette méthode de ne pas faire sortir les données de la puce n'est pas une protection garantie. Il y a eu une publique très intéressante qui était basée sur faire fondre les puces dans de l'acide sulfurique ou de l'acide nitrique, justement. Bouillant, et poser des micro-sondes sur la puce et choper directement les données. Ça, on en parle juste après, tout à l'heure, en plus. Transition. Ça reste quand même... plus fiable que ce que notre notre idiote national. Notre idiote. Oh là là, tu te lâches. Oh là là. Tu prends des responsabilités. Là. Attention. Ouais. Attention. Ouais. Non, mais là, quand même. Oh là là, il est tout rouge. Mais non. Nous avons fait rougir notre little Charlie national. Donc, il faut, c'est que le voyant. Ouais, il est encore plus rouge que le voyant on air au milieu de la table. Et donc, quand même, on peut dire quand même que NKM, c'est la deuxième fois qu'elle craque son slip, là, quand même. Elle nous avait quand même sorti cette histoire de droit à l'oubli. Quand même, dans une nation qui prône le devoir de mémoire. Là, une petite secrétaire d'État qui vient nous sortir le droit à l'oubli, bravo. Et donc là, en fait, elle vient nous expliquer qu'elle va fliquer les démarches administratives de tous les Français grâce à une méthode électronique, bravo. On avait déjà à Lille monsieur Kiquet qui souhaite fliquer tous les utilisateurs du métro par une puce RFID qui sera utilisable également dans les services municipaux de notre belle communauté urbaine de Lille. Les cantines, les bibliothèques, etc. Et bien là, on a carrément la même chose, mais au niveau national et en pire. Rajoutez à ça la LOPSI, rajoutez à ça toutes les lois sécuritaires qui ont commencé depuis Jospin en 2001. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Et la big brotherisation de l'État, là, on la voit carrément venir. Même si elle est très jolie, très sexy au demeurant. Voilà ce qu'on avait à peu près à dire sur cette histoire d'Indénum. Et je crois que tu peux passer à la news suivante. Ouais. Hein, que t'avais des choses à raconter. La news suivante, on reste toujours un peu dans le flicage et tiens, pour changer. Et dans le filtrage, il y a les clés 3G qui se développent de plus en plus, des tas de personnes qui prennent des clés pour pouvoir se connecter à Internet. Et donc là, il y a eu, cette semaine, j'ai eu l'occasion de remarquer un peu plusieurs choses. C'est que, par exemple, les opérateurs ont un réseau qui se ressemble assez. Donc SFR et Orange utilisent des adresses RFC 1918, donc des adresses privées qui ne sont pas routables sur Internet, qu'on ne doit pas utiliser sur Internet, et qui les fournissent à leurs clients. L'adresse de routage du réseau est la même, c'est 10.64.64.64, et le réseau c'est le même, c'est un 10.0.0.0/8. Donc là il y a une coïncidence bizarre, peut-être que c'est pour simplifier les règles sur les ordinateurs des clients, pour éviter qu'il y ait des collisions avec d'autres adresses, mais bon. Et donc le problème, c'est que comme c'est des adresses privées, c'est pas routable sur Internet. Donc les clients sont pas connectés directement sur Internet, alors qu'ils payent pour de l'Internet. Et là où c'est le plus grave, c'est que il y a des problèmes de blacklist qui bloquent de plus en plus de clients, vu que il y a certaines personnes qui utilisent leur clé 3G sous Windows. Hein. Bon, on peut rien y faire. Et ces personnes diffusent des vers ou diffusent du spam, et donc ça conduit à la blacklist de beaucoup d'adresses des NAT, Orange et SFR. Donc voilà. En passant, tu viens quand même d'amalgamer Windows à spam. Non, pas... Utilisateur de Windows égale spammeur. Involontaire, hein. Rappelons que mais quand même. Les vers s'installent à l'insu des utilisateurs en général. En général, ouais. Donc quand même, c'est génial. On utilise Orange ou SFR, on paye combien 30 euros ça dépend des offres. Ça peut aller de 12 euros à 60 euros. Ça dépend de la technique qu'on connaît. pour pas payer. Pour pas payer. Les hors-forfaits pharaoniques que ces gens-là nous font payer. On paye pour un accès à Internet qu'on n'a pas, puisqu'en fait, on n'a au final pas une vraie adresse réseau Internet, mais un bidule géré. Et en plus de l'illimité, sauf peer-to-peer, sauf VOIP, sauf mail. Dans un accès internet, sauf mail, voilà. Ça le fait, bravo. De toute façon, peer-to-peer, sans pouvoir router les ports vers soi, en plus, ça va oui. être difficile. Quoi. Exact, oui. Donc, c'est bravo quand même, ces gens-là. D'autres choses à rajouter sur ces apôtres de la neutralité du net que sont les opérateurs de téléphonie mobile? Non. Bon, on va continuer dans le rigolo. Petite news vite fait rigolote chopée sur le feed RSS des copains de Load Free. Jeuxvideo.com vient de balancer un truc assez rigolo en public. Ils annoncent officiellement que grâce à la collaboration active de leurs équipes de modération du forum, deux personnes se sont fait gauler par l'OCTL-CLIC, c'est-à-dire l'Office central de la police de la pensée. Non, c'est l'Office central de lutte contre les crimes et les délits liés aux cybertechnologies. Mais qu'ont-ils fait ? Mais sinon, on peut appeler ça l'Office central ou le Politburo. Il n'y a pas de problème, ils comprennent. En interne, ils s'appellent comme ça, le Politburo, la commandante tour. Et donc jeuxvideo.com qui nous annonce que voilà, il y a une personne, grâce à la vigilance des équipes de modération et à la délation active de jeuxvideo.com vers la police, eh bien ils ont résolu deux grands cas, un propos raciste et des photos choquantes sur le forum. Waouh, bravo. Donc voilà un peu à quoi ressemblent en fait les forums grand public. C'est la délation et la glorification de l'action policière. Bravo les gars. Et puis dernière news en speed, parce que ça fait quand même un quart d'heure qu'on parle, mine de rien, et que ça doit commencer à saouler tout le monde, nos petites conneries politiques et techniciennes. Alors, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que Carsten Knoll est en train de devenir mon héros perso. Alors c'est pas un inconnu, on en a déjà parlé vite fait dans Random, mais c'était une émission, je crois que c'était la fameuse émission du 3 janvier, où, il me semble. Donc en 2007, au 24C3, donc au Chaos Computer Congress à Berlin, en 2007, il avait donc annoncé avoir cassé la cryptographie de la puce RFID Mifer Crypto One Classic. Donc c'était une puce RFID, c'est un tag RFID utilisé très très couramment, parce qu'il coûte pas cher, c'est vraiment un truc vraiment bas de gamme, mais qui est utilisé partout, partout, qui était à l'époque utilisé par énormément de choses, comme par exemple le métro londonien ou d'autres choses de ce genre-là. Et donc il l'avait cassé, notamment grâce à une étude physique, comme tu disais tout à l'heure, avec de l'acide pour faire fondre l'époxy, etc. Étudier avec des microsondes les puces électroniques à l'intérieur, faire entrer des signaux pour regarder ce qui sort, et puis faire une étude statistique à la fin, etc. Donc ça, c'était une étude qu'il avait, c'est une technique qui est entre guillemets classique. Oui, c'est, disons que quand on a le matériel, on peut beaucoup s'amuser, on peut couper des pistes par faisceau localisé, on peut rajouter de la matière pour en court-circuiter d'autres. Par exemple, si jamais on veut récupérer tout le programme d'une puce, il suffit de couper plein de pistes, avec une microsonde, d'injecter un signal carré, d'activer l'oscillateur qui va passer toute la mémoire sans s'arrêter et récupérer un bit de données à chaque fois. D'accord. On le refait autant de fois que de bits sur la largeur du bus. Et voilà. Donc je rassure quand même l'audimat, le cher audimat de l'émission, j'ai rien compris à ce qu'il vient de dire. Comme ça, vous n'êtes pas seul à avoir rien compris. Il y a des auditeurs qui nous font remarquer deux choses, en fait. Il y en a un qui nous dit que Idenum, le fait que c'est morné aussi, c'est parce que ça devrait coûter 20 euros la clé. Excellent. Donc voilà. Et donc sinon, sur les forfaits, oui, c'est de l'illimité, mais à 1 giga par mois. C'est de l'illimité limité. C'est du dénombrable, en fait, on pourrait dire. Et donc, il y a quelques semaines, Carsten Knoll remet le couvert, cette fois-ci en annonçant le cassage de la cryptographie de A5.1. L'algorithme de chiffrement utilisé majoritairement pour les techno RF, pour tout ce qui est GSM, donc communication par téléphonie cellulaire, donc les téléphones portables. Il avait annoncé ça au 26C3, donc au Chaos Computer Congress, on en avait parlé, vous avez les liens sur le site web. Et donc là, lundi 8 février 2010, lors de la conférence Fast Software Encryption en Corée, Monsieur Carsten Knoll remet le couvert en nous expliquant cette fois-ci qu'il a cassé la crypto du système DECT. Donc DECT, c'est la téléphonie sans fil. Vous savez, les téléphones que vous utilisez à la maison, qui n'ont pas de fil, et en fait, c'est la base du téléphone qui est branché au réseau téléphonique filaire. Et ben, y a une communication radio qui se fait entre le combiné téléphonique sans fil et puis la base. Cette communication, alors il y a plein de problèmes parce que la communication elle n'est pas forcément chiffrée, ce qui veut dire que n'importe qui peut vous écouter quand vous téléphonez, quand vous utilisez un téléphone bas de gamme. Et même quand c'est chiffré avec un algorithme qui date des années 80 et Carsten Knoll vient de le casser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les petits espions en herbe ou toutes les grosses mafias qui ont de l'argent et ou tous les gouvernements qui ont du pognon et l'envie de fliquer tout le monde, tiens, je sais pas. Dans certains pays, ça peut être le cas. Je sais pas où, par exemple. Je sais pas dans quel pays on pourrait avoir ça. Ce serait une folie, d'ailleurs, hein, que les gouvernements cherchent à violer l'intimité de la vie privée des gens. Mais bref, donc voilà, c'est à la portée de... Ça devient vraiment à la portée de tout le monde, à partir d'un simple PC, de casser le chiffrement de la technologie DECT. C'est génial. Les technologies qui nous entourent et qui sont censées être sûres, ben voilà, on se rend compte que elles ne le sont pas et qu'elles sont même carrément pas fiables en termes de sécurité. Il faudrait peut-être un jour qu'on arrête de soudre notre gueule à ce propos. Voilà. Comme quoi, rien ne vaut un bon téléphone avec fil. En plus, ça coûte moins cher. On peut en trouver à la braderie. Mais bon, c'est comme nous l'avons vu à l'émission précédente, c'est pas pour ça que c'est pas bidouillable, que c'est pas imbidouillable non plus. Non, tout à fait. Sur ce, et tout ça. Ça fait quand même 19 minutes, 20 minutes qu'on parle. Ouais, il est temps de mettre un peu de musique. Il est temps de mettre un peu de musique. Petite pause musicale, ouais. Alors la pause musicale, c'est le moment où vous pouvez nous appeler. Et voici comment faire. Vous pouvez nous joindre au 03 20 91 24 00 pendant les pauses musicales via Silk sur silk.dg-sc.org, canal random, et retrouvez nos infos sur lille.dg-sc.org/random. Viens, tu t'amuseras, je te le promets. random. Profitez-en, bientôt ce sera brouillé. Voilà, donc bienvenue sur le studio de Random. Voilà, avec une petite musique de fond qui baisse, c'est mieux comme ça. Ouais. Donc vous venez d'entendre Knark de Panic sur l'album Story of Home, suivi de. Bah, je l'ai plus, donc je l'annoncerai tout à l'heure. Là, on va passer à l'essentiel. On a un intervenant en ligne. Et oui. Donc, qui va nous parler de. Qui va nous parler donc du Braise Entropy Congress. Alors ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement il y a pas mal d'activités dans le mouvement Hackerspace en France. Il y a pas mal de choses qui se passent à Paris et ailleurs, notamment à Rennes. Donc on a, on va reparler tout à l'heure parce qu'on a, je sais pas si je les ai mis, non, je les ai pas mis dans l'agenda. Donc on a, dans l'ordre, on a donc le Akito Ergo Sum qui se passe à Paris entre le 8 et le 10 avril. Il y a le Braise Entropy Congress donc à Rennes du 15 au 17 avril et on a les contorsions technologiques à Paris, à la Paris 13e la suite. Donc c'est du 30 avril au 2 mai, c'est les contorsions technologiques. Donc tout ça en fait c'est des conférences qui sont organisées par un certain nombre de personnes du milieu hacker. Et c'est une grande nouvelle, ça veut dire que le milieu hacker est en train de se bouger, il y a vraiment des choses qui bougent en ce moment dans le milieu hacker, et c'est tant mieux. Et donc nous sommes en ligne avec donc Sébastien Bourdeau-Duc, qui est au comité d'organisation du Braise Entropy Congress, et qui va nous parler un petit peu, qui va se présenter d'abord j'imagine, et puis qui va ensuite nous parler de ce qu'il fait et de l'orga de cet événement. Sébastien, t'es avec nous ? Oui, je suis avec vous. Donc déjà j'ajouterai quelque chose, c'est que t'as listé trois conférences, mais en fait il y en a cinq. T'as oublié le Theta Lab Hackerspace Festival qui va se passer à Toulouse du 28 au 30 mai et l'Estive Numérique qui est du 20 au 26 juillet dans les Alpes du Sud. Donc Theta Lab Hackerspace Festival, c'est un peu une conférence un peu fourre-tout, un peu comme le Braise Entropy Congress. Estive Numérique, ça se passe dans le parc du Mercantour au milieu de nulle part. Et le thème, c'est l'autonomie et l'autosuffisance à l'âge du numérique. Donc ça fait en tout, donc pour cette année, 5 événements qui sont organisés par les Hackerspace français, plus ou moins. Et ce qui montre effectivement, comme tu l'as souligné, qu'il y a quand même une certaine dynamique qui se crée actuellement. Donc moi, bon, ce qui me concerne, donc, j'organise le Braise Entropy Congress à Rennes du 15 au 17 avril. Donc je me présente en deux mots d'abord. Je suis donc Sébastien Bourdeduc, je fais partie du TMP Lab qui est sur Paris. Sur Vitry-sur-Seine. Enfin, Vitry-sur-Seine, oui, pardon. Oui. Il y a une petite différence en distance, mais grosse en temps quand on prend le RER. Il y a un périph' entre les deux. Oui, le périph', oui. Je m'intéresse pas mal à tout ce qui est... Je suis assez généraliste, en fait, au niveau hacking, mais je m'intéresse pas mal à tout ce qui est électronique, notamment la conception de circuits digitaux et de conception sur FPGA actuellement. Et donc, actuellement, dans les milieux hacking, il y a pas mal de... Enfin, le mouvement open source est déjà bien ancré, mais on trouve pas mal de ce qui se trouve actuellement le mouvement matériel libre, donc après le logiciel de matériel libre, et ça se retrouve assez pas mal dans les hackerspace, et c'est pour ça qu'un des thèmes donc, du présent Free Congress, c'est le matériel libre. Donc matériel libre, c'est plus ou moins donc, effectivement la transposition du logiciel libre dans le domaine du matériel. Ça peut être des designs matériels que chacun peut modifier, reproduire, améliorer, un peu comme le logiciel libre. Donc on trouve plusieurs thématiques qui sont suggérées d'ailleurs pour le Braise Entropy Congress. Donc tout d'abord les Fab Labs. Donc les Fab Labs, c'est des laboratoires tout équipés avec toutes les machines de fabrication mécanique dont on peut rêver. Donc ça, c'est un des thèmes du Braise Entropy Congress qui est dans le matériel libre. Toutes les imprimantes 3D faites maison. Donc une imprimante 3D, c'est en quelque sorte c'est une machine qui va déposer des gouttes de plastique couche par couche, et en déposant donc ces gouttes de plastique, ça va construire n'importe quel objet en 3D. Donc ça, il y a pas mal de gens qui aiment bien ce genre de choses actuellement, qu'on fabrique. Donc il y a deux gros projets, il y a RepRap et MakerBot. C'est pas mal actif aux États-Unis, il y en a quelques-unes en France actuellement, notamment avec le projet Usinette du TMP Lab. Donc Usinette comme une usine, une petite usine, il y a le site usinette.org, c'est par des gens de TMP Lab. Donc ça, c'est également ce genre de choses qu'on aimerait bien voir au Braise Entropy Congress. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, enfin ce qu'on aimerait bien voir, c'est les trucs un peu plus fous, du genre fabrication de tubes à vide maison. Tubes à vide, c'est l'ancêtre du transistor. Hein. Oui. C'est des lampes. Pour ça, c'est plus compliqué que faire simplement d'imprimante 3D. Il faut souffler du verre, il faut faire le vide surtout. Mais il y a des gens qui le font. Hein. On peut trouver des ressources sur Internet. Et d'ailleurs, on trouve. C'est assez amusant d'ailleurs. On trouve d'ailleurs des documents qui datent des années 1930 qui expliquent comment faire les tubes à vide. Ça, c'était dans un journal de vulgarisation scientifique qu'on trouvait en librairie, quoi, ce genre d'article. Et d'ailleurs, ça montre bien un peu qu'il y a eu une espèce de creux dans l'ouverture du matériel. Parce que je veux dire, au début des années 1900, je dirais jusqu'en 1960, 1970, le matériel était quand même assez ouvert. C'est-à-dire que chacun pouvait à peu près bricoler chez lui comme il voulait. Faut dire que c'était beaucoup moins obscur qu'actuellement. Quand on achetait notamment des postes radio à lampe, on pouvait avoir le schéma qui était imprimé dedans. Donc il suffisait de retirer l'arrière du poste, on avait le schéma du poste avec toutes les connexions à l'intérieur, comment c'est fait. Moi personnellement, j'ai collectionné des radios à lampe. Enfin, c'était vieux, hein, c'est quand j'étais au lycée. Et je trouvais ça super pratique d'ailleurs pour les réparer, d'avoir ce schéma. C'est des choses qu'on voit plus du tout de nos jours. Hein. Les appareils maintenant, ils sont super fermés. C'est le même type de pattern que ce qu'on trouve en fait dans le logiciel en fait. Où au départ, quand il n'y avait pas grand monde qui connaissait, à part dans la communauté scientifique, les logiciels étaient ouverts, peut-être pas libres, mais ouverts. Et maintenant, tout est fermé systématiquement. Et il faut se battre pour la réouverture du code. C'est un peu ce que tu dis en fait. Contrôler la même chose dans le matériel. C'est un peu ça. Et oui, mais en technologie en général, mais je dirais surtout en électronique. Je veux dire, actuellement, la plupart des appareils qu'on utilise, il y a des puces électroniques ultra compliquées dedans. Et ça, il y a très très peu de monde qui sait comment ça marche. Et ils vont surtout pas dire la façon dont fonctionne un microprocesseur ou un GPU, c'est quelque chose qui est complètement confidentiel. Et il y a très peu de projets open source actuellement qui sont capables de rivaliser avec ce genre de choses. Il y a des initiatives, il y a OpenCores par exemple, OpenCores, OpenSpark. Ah oui, OpenSpark, mais OpenSpark se base sur un truc qui est déjà libre à la base. Alors... OpenSpark, en fait, c'est l'ouverture en fait du processeur Spark qui équipe les serveurs haute performance de Sun en fait. Et Bah ça c'est bien, qu'il est ouvert. Oui, bah, c'était un truc universitaire. Excuse-moi, parce qu'en fait, on est quand même une heure d'émission, c'est un peu court. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'orga du Braise Entropy Congress en lui-même, les dates, les lieux, comment prendre en contact avec l'équipe d'organisation, etc. Comment ça va se passer concrètement? Donc les dates, donc ça va se passer donc sur le campus de Rennes-Beaulieu en fait, donc du 15 au 17 avril. Donc le 15 avril on va avoir la soirée artistique, donc on a déjà fait la prog en fait, elle est en ligne. Donc ça va commencer à 19h30 au Diapason, à la salle culturelle de l'Université de Rennes, pardon, campus Beaulieu. Et après on va enchaîner avec deux jours de conférences le 16 et 17 avril. Donc pour la soirée artistique en fait, les soumissions sont déjà closes. Mais pour tous les autres formats, tout ce qui est conférences, ateliers, installations artistiques, vous avez jusqu'au 10 mars pour nous les envoyer. Hein. Faut savoir que c'est un festival auquel tout le monde peut participer, c'est pas du tout les organisateurs qui choisissent. Les organisateurs choisissent parmi les propositions qu'on leur envoie. Quoi. On a contacté les gens qu'on connaît, qui font des trucs bien sûr. Mais d'un autre côté, si vous arrivez comme ça, vous entendez cette émission, que vous avez un super projet et que vous voulez le présenter au congrès, vous êtes tout à fait libre, vous êtes tellement encouragé à nous envoyer en fait une description de votre projet. Donc on a un mail pour ça, donc c'est CFP, donc comme Call for Proposals, @braise-entropy.org, donc braise comme la Bretagne en fait, braise-entropy.org. Et vous décrivez votre projet. D'accord. Et alors, est-ce que c'est parce que on a beaucoup parlé en fait depuis au départ de ton intervention des hackerspace, etc. Est-ce que c'est lié à un hackerspace à Rennes? Est-ce que ça va donner, enfin, est-ce que le but du jeu est de donner naissance à un hackerspace à Rennes? Alors le but du jeu c'est pas de donner naissance à un hackerspace à Rennes, mais je pense que ça catalyse pas mal en fait ce genre d'effort. Quoi. C'est clair que les gens de Rennes, ça va un peu les fédérer et tout. Autour éventuellement d'un projet de hackerspace. D'accord, et comment t'as fait pour organiser un truc comme ça au niveau de... dans une fac, puisque apparemment t'as l'air de dire que ça se passe dans une fac. Oui, ça se passe dans la fac, ben tout simplement, ben, on a été les voir, on a demandé les salles et c'est tout quoi. Comme ça. On leur a expliqué, disons qu'on avait... Enfin, je me suis fait des contacts en fait parmi une association étudiante, donc ça a forcément un peu aidé, parce qu'ils connaissaient déjà un peu le milieu, mais... Oui, en général, je pense que les facs, de toute façon... Donc, t'es en train de dire qu'en fait, on peut organiser ce genre d'événement qu'une fac va comprendre quand on va lui parler de hacker, etc., etc. Ben, j'ai pas exactement parlé de hacker, hein. J'ai parlé de technologie libre, j'ai décrit un peu ce que c'était, mais bon, forcément, il faut un peu s'adapter un peu au... faut pas leur parler, on va faire un gros truc de hacking. Faut expliquer un peu les choses, quoi. D'accord. Donc alors les soumissions techniques, donc enfin pour les conférences, pour les artistes, c'est fini. On est un peu trop tard. C'est les artistes en fait. C'est parce qu'on avait la deadline pour les soumissions artistiques était plus tôt parce qu'on avait besoin en fait de remplir des dossiers pour avoir la salle. Ah d'accord. Ok. Donc bon. Alors, on a un peu plus de mal pour l'avoir en fait. Donc jusqu'au tu as dit 15 mars pour les soumissions de conférences. Pour tout ce qui se fait pas sur scène en fait, en gros c'est jusqu'au 10 mars. Hein, donc c'est tout ce qui est atelier, conférences, installations artistiques. On va avoir aussi l'espace. On aura de l'espace à projet en fait. On a une salle qui est réservée en fait au stand. Donc si vous voulez aussi envoyer un stand pour mettre votre projet, vous avez une réprop à mettre, si vous avez une carte électronique à démontrer ou je ne sais quoi, vous pouvez la mettre dans un coin et puis voilà quoi, vous envoyez ça pour qu'on alloue l'espace. Et voilà, c'est tout. Et donc l'événement se passera du 15 au 17 avril à Rennes, en France. Voilà, c'est ça. Donc, pas en France. Plus d'infos, vous allez en Bretagne. braise-entropy.org. D'accord. De toute façon, le site web sera dans le résumé de l'émission. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Sébastien. Ben, merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Bravo pour votre projet. Et puis, on va suivre ça de très près dans Random. D'accord, très bien. Et puis bonjour chez vous. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors De retour donc dans l'émission Random après cette première séquence en direct. Vous voyez quand même qu'on s'améliore quand même dans Random. On a réussi à faire un truc techniquement potable. On remercie encore donc notre intervenant qui nous a parlé du Braise Anthropy Congress. On va faire une petite pause musicale avant de repartir sur le développement, sachant qu'il reste 20 minutes d'émission. Je sens que les développements vont être un peu compliqués. Et puis après on passera à l'agenda. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc vous venez d'entendre Tracker Dream de CNED sur Tracker Dream issu en Creative Commons 3.0. Voilà. Voilà. Donc c'est de la musique cheap tunes. Donc on en a certainement parlé dans d'anciennes émissions. Donc la cheap tunes, c'est de la musique électronique basée sur des samples de vieilles consoles principalement et Et donc qui ressemble à des musiques de jeux vidéo. Voilà. Et donc il y en avait eu un peu au HSB la semaine dernière. Voilà. Donc au niveau du développement, là on va parler un peu du FOSDEM et un peu de l'OPSI, mais bon, avec l'interview, il va falloir se dépêcher. Donc au niveau du FOSDEM, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, t'as raté la conf de Tannenbaum. Oui. Franchement. Donc il y a eu pas mal de conférences assez intéressantes. Il y a eu donc une conférence sur SystemTap, donc une application qui observe les systèmes à différents niveaux, le kernel, les librairies, les applications. Et donc ça fait vraiment du monitoring profond du système et ça peut être intéressant pour voir s'il n'y a pas des intrusions, s'il n'y a pas des doses sur certains services. Voilà. Quand des technologies de flics, ça. Non, c'est pas du tout la même optique, puisque là, c'est la personne qui essaye de monitorer un peu son système, la santé de son système. Ouais, du genre, t'as un écran bleu, au moins tu sais pourquoi. Il est bleu. Ouais. Voilà, exactement. C'est même pris gros sur le bleu. Toujours au niveau un peu sécurité, il y avait une conférence sur l'extension de Nmap avec des scripts écrits en Lua. Donc Nmap, c'est un outil qui permet de faire du scan de port, qui permet de faire un ping sur tout un réseau pour voir quelles machines sont. Et là, il y a Gutek qui va gueuler parce que tu dis pas assez de trucs, tu dis pas assez de bien d'Nmap. Alors fais gaffe à ce que tu dis. Et Nmap va être un outil interdit par la LOPSI. On en reviendra un peu plus tard. Un outil aussi générique que ça. Oui. Bah oui, ça permet de faire de la sécurité informatique. C'est comme si on interdisait le couteau suisse. Ben, c'est un peu le cas. Hein. Attends qu'on interdise OpenSSH, mon gars. Parle pas de malheur. On va revenir au bon vieux Telnet. Non. Donc là, on a Little Charlie qui cherche après ses confs. Oui, oui. Dans les notes qu'il a pas prises. Il y en a tellement que. Et random émission aléatoire. Vas-y. Ça, chiche qu'on arrive à le faire devenir encore plus rouge que le voyant au milieu de la table. Oh. Voilà. Donc il y a au FOSDEM, donc il y avait aussi d'autres conférences sur des sujets donc, qui ont rien à voir avec la sécurité. Notamment, il y avait une conférence sur le serveur Rigel qui permet de faire de la diffusion dans un réseau local. De la diffusion de contenu, c'est un serveur multimédia en fait, donc pour pouvoir stocker des films, de la musique et les balancer d'un. Une alternative à DAAB ? Je ne sais pas. Il y avait donc des conférences sur un peu de tout. Moi j'ai retenu une conférence sur PackageKit, l'outil qui permet de faire la gestion des paquets et qui commence à être de plus en plus de distributions. Il y avait pas mal de conférences Drupal, mais là, bon, je vais pas trop m'étendre, sinon je risque de pas finir l'émission. Drupal, ça existe encore, ce truc ? Ah, c'est utilisé par Chtinux, excusez-moi. Voilà. Faire des amis, là. Au niveau des langages de messagerie, il y avait pas mal de conférences sur le protocole XMPP et sur les possibilités donc de faire passer de la voix sur IP, donc une bonne alternative à Skype. Là, au moins, on sait comment ça fonctionne. XMPP qui est utilisé par Facebook depuis, qui est accepté par Facebook depuis pas longtemps. Ah. J'ai vu ça sur une news, je sais plus où. Donc voilà, donc ça serait une bonne alternative à pousser pour éviter que toutes nos conversations VOIP passent par un truc obscur dont on ne sait pas trop comment ça fonctionne de façon chiffrée, qui a déjà fait tomber le réseau universitaire une fois. Skype avait fait tomber le réseau universitaire en faisant passer tout son trafic. Renater. Oui, Renater. Ouais. Voilà. Au niveau des conférences, il y avait une conférence par Christopher Blizzard et Paul Rouget sur la hackability, la bidouillabilité en français, donc qui était assez intéressante. C'est pas le truc de Mozilla, ça ? C'était fait dans la salle Mozilla, la conférence. D'accord. Sinon, dans les petits événements, c'est intéressant, mais bon, faut arriver le vendredi soir, il y a la Free Beer Party. Parce que c'est parti d'un jeu de mots où, en fait, on dit que les logiciels libres, elles sont free as in free speech, not as in free beer. Donc, les logiciels sont free, sont libres. Mais ils ne sont pas forcément gratuits. Et donc, sur ce jeu de mots-là, il y a des personnes qui ont commencé à faire une soirée free beer. Parce que le mot free veut dire à la fois, en anglais, libre, et veut dire également gratuit. C'était important de le préciser. Ouais, mais bravo, tu viens de détruire toute la crédibilité qu'on a. Voilà, donc le FOSDEM, c'est une fois par an donc à Bruxelles. Le premier week-end de février ou dans ces eaux-là. Et donc c'est deux jours où vraiment au niveau technique il y a des conférences sur tous les sujets, il y a des développeurs, des hackers de tous horizons. Et on vous encourage à y aller l'année prochaine. Et c'est à Bruxelles, c'est pas loin. Donc dans l'autre sujet d'actualité, donc ça a été voté vendredi qui vient de se passer, il y a la LOPSI qui a été votée. Bon, sans grande surprise, hein, parce que bon. Voilà, hein, vu qu'il n'y a personne qui s'oppose concrètement et réellement à la loi, et ben voilà ce qui se passe. Donc alors on a eu donc il y a les mouchards qui sont passés et le filtrage qui est passé. C'est-à-dire que la loi n'est pas encore complètement votée, c'est ça ? La loi est passée donc à l'Assemblée nationale, elle doit repasser au Sénat. Il y aura peut-être quelques changements. Il y a des amendements un peu dangereux qui devraient peut-être supprimer, mais il se peut qu'il y ait des choses qui se renforcent un peu. Donc au niveau du filtrage, c'est pas une grande surprise. Ça s'oriente, là c'est hors loi, mais ça s'oriente vers du filtrage vers BGP, filtrage par BGP. Bah, le truc à peu près efficace parmi les trois grandes propositions, DNS, BGP, puis le truc, donc ils prennent BGP, c'est le plus efficace. a priori, mais... Et ça pourra même permettre de récupérer les adresses IP des personnes qui essayent de se connecter sur les sites en question. Mais alors là, les petits opérateurs locaux vont morfler, parce que la table de routage BGP va exploser. Bah, y a toujours la possibilité de quand même faire du filtrage et de mettre un... que le fournisseur puisse avoir un routeur qui nettoie un peu tout ça. Et, ouais, le faire en plusieurs mais étapes. Mais c'est vrai tout. Que ça risque de poser pas mal de soucis pour des vieux matériels qui n'ont pas beaucoup de mémoire. Pour les auditeurs qui ne comprennent pas de quoi on parle, on est en train de parler de comment la police et l'État sont en train de mettre en route la censure d'Internet en France. Ça vient d'être voté par les députés. Et donc voilà, Internet est donc censuré dans notre belle démocratie. Comme en Chine ? Comme en Chine, comme en Australie, pas comme en Allemagne parce qu'ils ont finalement refusé de le faire. Mm-hmm. Comme quoi, voilà quoi. Hein, c'est fait en Australie, mais en Australie il y a tellement de soucis que c'est pas sûr que ça reste. Et puis la Chine, Tim Berners-Lee, donc le gars qui a inventé le web, a publié une interview dans laquelle il explique que la Chine, de toute façon, elle crame un pognon tellement pharaonique en temps de crise. Sur son filtrage internet que va finir par enfin il va bien y arriver un jour, ils vont se rendre compte que on peut pas cramer X% du PIB rien que pour ça quoi. Et donc ils vont bien finalement mais donc la France va faire figure de pionnière en Europe là-dessus. Ouais. Donc sinon dans les autres choses de la LOPSI, il y a le délit d'usurpation d'identité. Alors, il y a eu plusieurs rédactions sur le délit d'usurpation d'identité, je ne sais pas lequel a été validé. Mais donc il y avait la possibilité, en fait, par exemple, en utilisant de façon caricaturale le pseudonyme de Frédéric Lefebvre, par exemple sur Twitter, il y a Frédéric Lefebvre PMU, qui est volontairement caricatural, mais comme ça reprend l'identité de Frédéric Lefebvre de l'UMP, il y aurait un risque que la personne soit passible de poursuite. Donc il y a ce délit qui a été rajouté, donc ça fait encore un truc supplémentaire. Il y a les hébergeurs qui ont vu leur responsabilité augmenter, donc ils vont encore plus morfler à chaque fois qu'il y en a un qui fait le con. Voilà. Et il y a le mouchard, donc est-ce qu'il y aura un mouchard pour Linux, un mouchard pour OpenBSD, c'est pas le mouchard Adopi, c'est dans les enquêtes, normalement c'est réservé au grand banditisme, mafia, trafic de drogue, ça serait la possibilité d'installer un mouchard sur l'ordinateur pour récupérer des preuves sur le trafic, sur le banditisme. On voit un peu comment le monde merveilleux de la police, comment ils sont dans la science-fiction, quoi. Bien sûr, des groupes de grand banditisme, ils ont bien sûr pas les sous pour protéger leur réseau, protéger leurs secrets. Bah non, voilà. Hein, bon. Et puis les éditeurs de l'antivirus vont être complices dans cette affaire ou pas? Est-ce que le mouchard du gouvernement va être détecté par Norton? Je ne sais pas. Par contre, ça risque d'être un réel risque. Il y avait eu le FBI qui avait lancé un mouchard dans les années 90. Oui, il y a longtemps. Et le mouchard, en fait, laissait une porte dérobée, une backdoor, qui malheureusement était utilisée par d'autres personnes. Et donc ça a été un vecteur de risque assez énorme. Et on risque d'avoir le même problème avec le mouchard du gouvernement. C'est quand même génial de voir un peu... Le principe de démocratie, c'est-à-dire de délégation des pouvoirs, quand on délègue nos pouvoirs, quand le peuple délègue ses pouvoirs à des personnes qui sont complètement incompétentes et qui nagent dans la science-fiction. Ça fait se poser un petit peu des questions sur... Pas toujours dans la science-fiction. Parfois, ils vont chercher dans le roman d'anticipation, par exemple le 1984. Il y a quand même eu, dans le texte de loi, un amendement qui dit... on ne peut plus mettre vidéosurveillance dans les textes de loi, on va mettre vidéoprotection. Vidéoprotection. Alors là, on est dans le novlangue total, quoi. Dans la réécriture du langage complète, c'est ahurissant. Et il n'y a aucune réaction, hein. Je veux dire, les politiques, la classe politique, elle est unanime là-dessus. Il y a eu quand même des débats sur l'utilisation de ce terme-là. Alors, sur l'utilisation de ce terme-là, oui, mais alors sur le filtrage, sur la censure des moyens de communication sur le territoire qui a vu la Révolution française, etc., là, plus personne. Le problème, c'est qu'on agite le chiffon rouge de la pédopornographie, alors aucun politique ne pourra... Bah, ne va s'y opposer parce que ça risque de... C'est en gros, tout est fait pour empêcher qu'on puisse s'opposer. Ouais, donc en fait, derrière la pornographie, on en profite... La pédopornographie. La pédopornographie, pardon. On en profite pour faire passer des petites choses. En gros, c'est ça, quoi. On fait passer tout ce qu'on veut derrière la pédopornographie. On fait passer tout ce qu'on veut. On agite le petit chiffon rouge. Mmh. Un petit écran de fumée de FUD, hein, c'est ça, hein, Fear, Uncertainty and Doubt. Et puis voilà. Maintenant, le problème, c'est ça. C'est que si on veut défendre la liberté d'expression, il faut quand même se rappeler que défendre la liberté d'expression, c'est pas quelque chose de simple. Ça veut dire défendre la liberté d'expression de tous les tarés, de tous les psychopathes de la Terre. Et voilà, il faudrait peut-être arrêter d'avoir honte de réclamer cette liberté-là sous prétexte que... Enfin, de réclamer et de ne pas vouloir à ce qu'on touche à cette liberté-là sous prétexte que l'esprit humain est crade et tordu. Ça lui arrive, et ben voilà, c'est... Assumons la démocratie, assumons les problèmes de cette démocratie et arrêtons de faire passer n'importe quoi et de faire avancer la politique par la peur. Surtout à essayer de régler des problèmes humains par des solutions techniques qui seront un jour ou l'autre. En plus, le problème de la pédopornographie, c'est la pédophilie. C'est pas. C'est aussi des réseaux mafieux où il y a d'autres moyens de lutter. Contre, par exemple, en traquant les circuits financiers et en organisant la saisie des serveurs, proxys, mais des serveurs. Oui, mais alors là, dans ce cas-là, si on commence à faire ça, oulala, tout ce qu'on va choper, ça va pas être beau. La solution ultime, là, c'est peut-être l'agenda. La solution. Oui. Histoire qu'on se fasse pas engueuler par deux minutes. Voilà. Allez, l'agenda. Alors l'agenda en deux minutes. Deux minutes pour un agenda. Waouh, ça va, j'ai le temps, je peux vous parler de ma vie perso, c'est cool. Me faire taper et tout. Alors donc l'agenda demain, lundi 15 février, donc l'association CLX, donc Club Linux Nord-Pas-de-Calais, organise donc comme chaque mois le lundi des libertés numériques. Alors le lundi des libertés numériques, donc de demain, lundi 15 février, ce sera donc sur le thème de « Tous vos mails sont des cartes postales, protégez-les avec une enveloppe ». Donc la thématique, c'est donc chiffrement et signature électronique. Donc là, c'est vraiment un sujet qui est très important, c'est un sujet qui est l'OPSI, etc. C'est un sujet qui est vraiment protection de la vie privée, etc. etc. C'est un sujet extrêmement important. On vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe, à aller poser des questions, à aller prendre contact. Ça peut établir des solidarités, c'est vraiment quelque chose d'important. En deuxième chose, dans deux semaines, donc dimanche 28 février, ce sera la prochaine émission de Random, hein, donc 19-20h, Radio Campus 106,6 FM. Stéréo quadriphonique stéréo 75 kHz de déviation d'excursion de fréquence. Continue. Et après on va encore nous dire qu'on est trop technique et tout. C'est bon, il te reste 45 secondes. Il me reste 45 secondes de vendredi 5 mars, meeting 2600 Lille. Donc comme d'habitude 19h30, grand place de Lille. Du 16 au 18 mars, le salon Solutions Linux et Open Source 2010. Alors là, il faut savoir que le groupe Dégénéré Science Lille va tenir un stand. Donc on sera là-bas. Donc du 16 au 18 mars, Solutions Linux. Et puis nos amis du bras armé de l'État, ils vont tenir leur petite liberté d'expression à eux, le 31 mars et le 1er avril. Donc ce sera le salon, Forum international sur la cybercriminalité. Et voilà. On vous souhaite donc une bonne semaine à vous, une bonne fin de dimanche. Et à dans 15 jours. Et à dans 15 jours. Bonne soirée. Bonne soirée.